Lundi 2 octobre, bonjour à tous et à tous et bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les grandes articulations. Ouverture de la session budgétaire d'octobre ce lundi à l'Assemblée nationale, le président de la Chambre basse du Parlement a ouvertement critiqué les récentes résolutions onusiennes. Dans ce journal, un spécialiste en droit international aura son mot à dire. Les classes des premières années post-fondamentales au lycée municipal d'Ogasegni dans la zone urbaine d'Onahangwa sont surpeuplées. Sassoa qui arrive tôt à l'école, la directrice de l'école promet de diviser les classes en classes parallèles. Bien que le ministère burundais de l'Environnement ait ordonné l'arrêt de toute source de pollution, vu la pollution du lac Tanganyika à l'endroit dit Kumasé au quartier industriel, des immondices et une odeur nauséabonde se font constater à cet endroit. Vous aurez les détails dans ce journal mis en onde par Aimé Toussaint Mitebouti. À la présentation, Mireille Kanyange. Bienvenue. La radio de l'avenir. Rebonjour. Les marchés de la commune Rumonge, actuellement exploités par des privés, vont bientôt passer sous le contrôle de cette commune pendant une année. Le conseil communal de Rumonge, qui a pris cette décision ce samedi, explique qu'il recherche une base pour revisiter les contrats qui lient les deux parties. Les détails avec Jean-Pierre Misago. Depuis le 1er décembre prochain, tous les marchés de la commune de Rumonge, exploités par des sociétés privées, seront désormais gérés par la commune elle-même et cela sur une période d'une année. Augustin Manirakiza, président du conseil communal de Rumonge, qui a pris cette mesure dans sa réunion ordinaire de ce samedi, explique que c'est pour avoir une référence qui permettra à la commune de revisiter les contrats qu'il a lié avec ses sociétés. Il a été donc décidé que la commune récupère tous les marchés pour une période d'une année et qu'elle puisse procéder à la collecte des taxes elle-même. Et par la suite, à la fin de l'année, on aura effectivement le montant réel qui est prélevé, qui sera la base pour pouvoir revisiter ou réviser les 10 contrats. Et en ce moment, donc, nous allons nous asseoir ensemble avec les contractants. Puis, on va dégager certainement un compromis en ce moment-là, après qu'on ait véritablement une référence. Alors qu'une certaine opinion à Rumonge craint que cette mesure ne cause préjudice à la commune si ces sociétés portent plainte à la justice, comme cela est déjà arrivé, Augustin Manirakiza estime que la commune a les prérogatives de vérifier ce qui se passe réellement dans ces marchés et ces sociétés ne sont même pas définitivement chassées. C'est juste une vérification pour revisiter ces contrats comme exigé par le ministère de l'Intérieur. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Quittons le sud du Burundi pour nous rendre un peu plus à l'ouest, en province Bubanza, où les habitants de la commune Gihanga vont bientôt réexploiter leurs champs dans la réserve naturelle de la Rukoko. Et cela après 3 mois de non-accès. Cependant, le gouverneur de la province Bubanza recommande le respect des limites de la réserve naturelle et menace les récalcitrants qui seront pris comme des malfaiteurs. Une information que nous devons à notre correspondant dans la province Bubanza, Spes Caritas Kabanyana. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h01 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal. Ouverture ce lundi des travaux de la session parlementaire d'octobre. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale a critiqué les récentes résolutions de la Commission des droits de l'homme des Nations unies qui, selon lui, entravent le développement du pays. Pascal Nyabenda demande au gouvernement burundais d'envoyer le projet de loi budgétaire 2018 dans les meilleurs délais vu que cette session est réservée à son analyse. La mise en œuvre des deux résolutions récemment votées par la Commission des droits de l'homme de l'ONU sur le Burundi est pratiquement impossible, selon le spécialiste en droit international Maître Fabien Segatwa, dans la mesure où toutes résolutions doivent travailler en commun accord avec le Burundi. Ce juriste ajoute en outre que ce soit la résolution soutenue par les pays africains ou la résolution soutenue par l'Union européenne ne peut biaiser l'histoire du Burundi. Je vous prie de le suivre. Les résolutions, qu'elles soient celles des pays de l'Afrique, qu'elles soient celles prises par l'Union européenne et les États-Unis, ne posent pas de problème en tant que résolution. Mais c'est la mise en œuvre de ces résolutions qui sera difficile, parce que on ne peut pas faire une résolution sur un pays et travailler sur un rapport si on n'est pas d'accord avec ce pays. C'est presque impossible. Mais pour moi, le plus important, c'est quoi? C'est qu'il faut éviter que telle résolution ou telle résolution ne biaise pas l'histoire du pays. Mais on avait déjà vidé toutes ces questions dans les accords d'Arusha? Non, la résolution de pouvoir faire des enquêtes sur ces crimes-là a été prise à Arusha. Maintenant, on est en train de mettre en œuvre justement cette résolution en créant ces verres. Alors maintenant, avec ces résolutions, on veut faire en sorte que l'histoire du Burundi commence en 2015. C'est-à-dire que le fonctionnement des deux résolutions, celle soutenue par presque tous les pays africains et celle soutenue par l'Union européenne avec les États-Unis n'est pas possible, c'est ça? Elle est possible, je ne dis pas qu'elle n'est pas possible, mais pas utile pour le Burundi. Parce que normalement, lorsque l'ONU s'engage à faire un rapport, s'engage à sanctionner les crimes, c'est en définitive pour amener la paix dans le pays. Aujourd'hui, la paix dans le pays ne pourra pas être ramenée uniquement lorsqu'on sanctionne les crimes de 2015. Elle sera ramenée lorsqu'on sanctionnera tous les crimes qui ont été faits au cours de l'histoire du Burundi, qu'on ne se le cache pas. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h04 dans les studios de la radio Isanganiro, revenons sur cette information de l'ouverture ce lundi des travaux de la session parlementaire d'octobre. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale a critiqué les récentes résolutions de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies qui, selon lui, entravent le développement du pays. Pascal Nyabenda a également demandé au gouvernement burundais d'envoyer le projet de loi budgétaire 2018 dans les meilleurs délais, vu que cette session est réservée à son analyse. Aubin Nyonguru. Le président de l'Assemblée nationale rappelle au gouvernement que la session d'octobre est dédiée à l'étude et à l'adoption du projet de loi budgétaire. Pascal Nyabenda déplore que ce projet n'ait pas encore été transmis à l'Assemblée nationale. Il exhorte au gouvernement de le transmettre pour qu'ils aient un temps suffisant de l'analyser. Ce projet de loi des finances ne figure pas sur l'ordre du jour transmis par le gouvernement. L'Assemblée nationale exhorte le gouvernement à tout faire pour que le dit projet de loi lui parvienne dans les meilleurs délais afin qu'elle puisse disposer d'un temps suffisant pour son analyse et son adoption. Dans son discours d'ouverture de la session d'octobre, Pascal Nyabenda a déploré les récentes résolutions de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Selon lui, elles entravent le développement du pays. 16 projets de loi sont sur la table de l'Assemblée nationale pour cette session. Parmi eux figure celui portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la communication, celui portant révision du code pénal et celui portant révision du code de procédure pénale. Aubin Nyonguru, célébration ce 2 octobre de la journée de la non-violence. Eh bien, une lutte non-violente est possible pour revendiquer le droit comme certaines figures l'ont précédé dans l'histoire. Placide Nyamungere a passé en revue certaines de ses personnalités à cette occasion. Voici les détails. Débutons par cette figure indienne, Mohandas Karamchand Gandhi. Attiré par le style de vie occidental, il est parti à Londres pour faire ses études de droit. Étant en Afrique du Sud, il découvrit comment les Noirs et les Indiens étaient privés de nombreux droits civiques et victimes de l'intolérance et du racisme. Et de là, il entreprend pendant 20 ans un combat de résistance non violente et de non coopération face aux autorités sud-africaines. Après la Première Guerre mondiale, Gandhi, rejoint par des millions d'Indiens s'opposent aux Britanniques en organisant la résistance civique et des campagnes de non-violence. Il est connu pour avoir lancé une campagne visant à obtenir une indépendance économique face à l'appauvrissement de la population indienne. L'autre figure est du Sud-Africain Nelson Mandela. Après plusieurs années de lutte contre l'apartheid, d'arrestation de procès, il a été condamné en 1964 avec ses 7 compagnons à la prison à vie pour sabotage, trahison et complot. Durant toute sa captivité, il refuse d'être libéré pour le renoncement public à la lutte anti-apartheid. Et enfin, M. Martin Luther King, un Américain, en 1955, il a été à la tête du mouvement de soutien à Rosa Parks, arrêté par la police pour avoir refusé de céder sa place à un blanc dans un bus et lance un appel au boycott de la campagne de bus dans la ville. Martin Luther King, partisan de la non-violence, il décide d'étendre la lutte pour les droits civiques des Noirs à l'ensemble des Américains. En 1963, il a été à la tête des grandes campagnes pour les droits civiques, le droit de vote des Noirs et la fin de la ségrégation, une meilleure éducation. Martin Luther King a été connu pour son discours du 28 août 1963, dont il mentionne « I have a dream », là où il lance un appel pour un pays à tous les hommes de partager les mêmes droits dans la justice et la paix. Placide Niyomongere, page éducation à 13h08 dans le studio de la radio Isanganiro. Le lycée municipal Gassaigne de la zone urbaine de Guihosha fait face à un sous-nombre d'élèves dans les classes des premières années post-fondamentales. Dans certaines classes, le nombre excède 170 élèves à étudier en position debout en attendant une solution durable à ce problème. La directrice de cette école indique que provisoirement, les classes pléthoriques vont être scindées en deux classes parallèles, mais ajoute-t-elle, le problème de bancs pupitres reste posé. Un reportage signé Florence Deira Guidje, stagiaire à la radio Isanganiro. Ce sont des élèves de la première année post-fondamentale section scientifique au lycée municipal d'Ogassaigne. Un lycée qui accueille plus de 800 élèves, cette classe qui sert normalement de salle de conférence, 175 élèves y suivent les cours. Les élèves s'asseyent à 4 sur un banc pupitre. Il n'y a qu'une vingtaine de bancs pupitres. Les autres apprenants s'asseyent sur des longs bancs inadéquats pour l'apprentissage car les élèves mettent leurs cahiers sur leurs genoux, pas de passage entre les rangées. La situation n'est pas meilleure dans la section des langues. Plus de 140 élèves sont assis dans une classe de 9 mètres sur 7. 10 parmi eux suivent les cours étant debout. Un système de permutation est opéré pour permettre à ceux qui sont debout de se reposer un peu. Trouver une place assise relève de l'exploit car il faut se lever trop tôt pour arriver avant les autres. Ces élèves déplorent ces conditions d'apprentissage. Joseph Ndaïzeye, enseignant à cette école, indique que ces conditions ne permettent pas de bons résultats. Pour remédier à cette situation, Virginie Niondiko, directrice du lycée municipal Gassaigne, dit que ses élèves seront divisés en deux groupes. Cependant, l'école fait face également au manque criant des bancs pupitres. Néanmoins, malgré ces conditions, des élèves continuent à être orientés dans les classes post-fondamentales de cette école pour grossir encore les effectifs déjà élevés. Parlons hygiène à présent. Des immondices se remarquent sur les bords du lac Tanganyika au quartier industriel à l'endroit communément appelé Kumasé. Ceux qui exercent leurs activités dans les parages disent que rien n'a changé. Après la mesure du ministre de l'Environnement ordonnant certaines entreprises d'arrêter toute source de pollution, ils indiquent que leurs activités sont aussi affectés. Actualité sportive de ce journal et la formation de football Lydia Ludique continue à montrer qu'elle s'est préparée en conséquence pour le championnat de football en première division, baptisé Primus League édition 2017-2018. À la quatrième journée du championnat, le club Lydia Ludique est toujours en tête du championnat. Cela étant, la formation de Delta de Gatumba qui est montée en première division cette année en provenance de la division est en dernière position. Les détails sur le championnat en cours avec Évariste Nzikobanyang. La formation Lydia Ludique a battu vendredi dernier Interstar sur le score de 4-0. Ce vendredi même, Bujumbura City s'est incliné devant Olympic Star de Muyinga 3-0. Deux matchs joués sur la pelouse du stade des Princes Louis Gwagasore. Samedi, le championnat de football en première division s'est poursuivi sur le stade des Princes Louis Gwagasore. Vitalon et Delta Star de Gatumba ont croisé le fer à 14h. Le match s'est soldé sur égalité d'un but partout. À 16h, c'était le tour des jeunes athlétiques et flambeaux de l'Est. Les jeunes athlétiques ont remporté ce match sur le score d'un 1-0. Deux matchs ont été joués à l'intérieur du pays sur la pelouse du stade de Gitega. Aigle Noir de Makamba a battu à domicile flambeaux du centre 3-2. En Ngozi, sur le stade de Rukundo, le derby a opposé Messager Ngozi et Ngozi City. Les équipes originaires de cette province, le match s'est soldé sur le score d'un 1-0 en faveur de Messager Ngozi. Dimanche à 14h, sur la pelouse du stade de Prince Louis Gwagasore, Atletico Olympique a égalisé un 1-0 avec les Lières, tandis qu'à 16h, Messager Bujumbura, qui était classé dernier du championnat après la troisième journée, a battu Musongati de Gitega de 2-1. La formation Lydia Ludique, qui a été championne l'année dernière, occupe toujours la première place lors du championnat en cours avec 12 points. Aigle Noir est deuxième avec 10 points. Messager Ngozi est troisième avec 9 points. Atletico Olympique est quatrième avec 8 points. Et en cinquième position, vient Olympic Star avec 7 points. En 16e et dernière position est classé Delta Star avec 1 point. Cette formation est parmi les trois clubs qui sont montés en première division cette année en provenance de la deuxième division. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, au Togo, l'opposition appelle à de nouvelles manifestations et les réclame le respect de demandes présidentielles. En Afrique du Sud, des bagarres se sont observées entre les délégués de l'ANC durant ce week-end. Et au Cameroun anglophone, 7 personnes ont été tuées lors des manifestations durant ce week-end. Les détails avec Ornella Mucho, stagiaire à la radio Isanganiro. Le site de Jeune Afrique écrit qu'il y a eu 7 personnes tuées dans la partie de Cameroun anglophone. C'était lors de manifestations qui ont eu lieu à la fin de la semaine dernière. Ces manifestations mettent en avant l'indépendance du pouvoir de Yaoundé. Il y a eu des prisonniers qui avaient voulu profiter de ce chaos pour s'échapper des cachots. La police a alors tué 4 d'entre eux. Via les réseaux sociaux, Paul Biya, le président du Cameroun, a condamné l'organisation et la tenue de ces manifestations. Au Togo, l'opposition a appelé la population à se préparer pour des manifestations qui se feraient du 4 au 5 octobre. Ces manifestations ont comme objectif de ramener la constitution de 1992 qui prône le respect de démocratie. Vous nous excuserez de cette erreur technique à 13h15 dans les studios de la radio Isanganiro. Point final à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Aimé Toussaint Mitebouti qui en assurait la mise en onde. Une très bonne journée à tous et à tous. Au revoir.